tourmente, les feuilles balayées par le vent. Sur les murs se dessine mon ombre en mouvement, mais l'ombre, ceux d'un animal sans gouvernail. La paire d'un amiral se balance, saccade, j'expulse les instincts. Sur le bitume, exulte à cet instant l'homme des villes, marche sur les lignes blanches, tous crache, bois, flic en civil, tranche. Costume de marionnette, la bougie s'éteint, cherche l'amour dans une camionnette. Sur la télé, des centimètres de poussière, mauvaise nouvelle de la terre nourricière. J'ai toujours ce truc, ce doute si explicable, cette machine à faire mal, ce mal inextirpable. J'use les secondes sont des heures, les heures durent des siècles, d'idées mais aussi d'erreurs. Couché dans mes draps, 22 heures, attends lundi matin, pas de sommeil. Demain la vie m'attend, pas le soleil, fais fleurir nos efforts au rythme de mes pas. Couché dans mes draps, 22 heures, attends lundi matin, pas de sommeil. Demain la vie m'attend, pas le soleil, fais fleurir nos efforts au rythme de mes pas. J'ai reçu la paix, j'ai reçu la paix du fond des âges, fond des âges sans fond. L'appel au voyage, j'ai reçu la paix, j'ai reçu la paix. Fond des âges, fond des âges, des sages sans nom, des sages sans nom. L'appel au voyage, j'ai reçu la paix, j'ai reçu la paix. Fond des âges, fond des âges, des pages sans fond, des pages sans fond. L'appel au voyage, j'ai reçu la paix, j'ai reçu la paix. Fond des âges, fond des âges, des sages sans nom. Appel au voyage, appel au voyage. Usé dans ses ressources, dans des rivières asséchées, gréviste du cœur, car pas payé assez cher. Besoin de tuteur pour grandir, car l'engrais assassine comme des hormones, des figures, les racines, les chemins diffèrent, multiples et complexes, contexte ou trip, dix frères, mais demain. Et toi, dis-moi, quoi de neuf, toujours rien, ma foi. Je mate le monde inquiet dans un œil de bœuf. Je fais des rêves, 9 fois sur 10, sur le deal. Survivre seul sur son île, difficile, mais je me réveille devant les montagnes brumeuses, appelant à l'ombre nicheuse. Parcours avec une canne sous les flocons, pèlerin avec une dalle, sommet proche, un dernier effort gelé, de la peau à l'étoffe. Ça y est, d'ici la vue est magique, sous mes pieds nus, cette vie logique. J'installe mes ailes de papier, écarte les bras, l'appel au voyage. J'ai reçu la paix, j'ai reçu la paix du fond des âges. Fond des les âges, pages sans fond, les pages sans fond. L'appel au voyage, j'ai reçu la paix, j'ai reçu la paix. Fond des âges, fond des âges, les pages sans nom, les pages sans nom. L'appel au voyage, j'ai reçu la paix, j'ai reçu la paix. Fond des âges, fond des âges, les pages sans fond, les pages sans fond. L'appel au voyage,